C'est extrêmement tranquille dans l'actualité sportive locale et régionale. Donc, on va quand même parler des voyageurs de Ville-Saguenay qui en ont subi toute une hier. Ils ont perdu 12 à 3 contre l'équipe des Aigles de Trois-Rivières. L'équipe de Trois-Rivières mène 2 à 1 dans la série. Poussé de 4 points en première manche qui a pavé la voie à cette victoire. Le lanceur perdant a été Kevin Fortin. Les voyageurs qui vont faire face à l'élimination ce soir au stade Richard Desmeules et comble de malheur, ils ne pourront pas compter sur leur entraîneur-chef Martin Pouliot, qui lui va assister à un match ou à un tournoi de hockey au Michigan, puisque Martin Pouliot est dépisteur pour les Capitals de Washington. Et c'était déjà compris avant son embauche qu'il allait assister à ce tournoi. On va quand même vous parler maintenant des résultats de soccer qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, dans un match de la catégorie U14 féminin à Saint-Félicien hier, victoire nulle de 1-1 entre le Boreal d'Allemand et le FC de Saint-Félicien. Maintenant, un match qui se déroulait dans la catégorie U14 également, victoire très très facile du FC de Saint-Félicien 1. Ils ont vaincu leur rival et leur compatriote, le FC de Saint-Félicien 2, par la marque de 7-0. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on s'est entretenu avec un jeune prodigue de la course automobile que vous allez certainement entendre parler au cours des prochaines années. Il s'agit de Raphaël Lessard. C'est un pilote automobile de la Beauce, donc qui domine actuellement seulement à l'âge de 15 ans en série NASCAR. Donc, vous allez apprendre à le connaître. Également, vous pouvez écouter les chroniques régulières de Rémi Kirkness, le président du club de golf de Saint-Prime, et le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand, où on parle évidemment des activités des clubs respectifs. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.